Bonjour à tous. Prends soin du cadeau de Dieu. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors ce matin, nous aurons une prédication sans texte. J'aimerais solliciter notre mémoire collective. Car vous savez, les premiers chrétiens n'avaient pas de texte écrit. Le papier ou les parchemins coûtaient cher. Alors, ils apprenaient par cœur le texte biblique qu'ils récitaient à l'aide d'un chapelet. J'aimerais juste ce matin qu'on se remémore ensemble le parcours du cadeau inestimable que Dieu nous a fait en donnant son Fils Jésus. J'aimerais attirer notre attention sur la manière dont Marie et Joseph ont pris soin de ce cadeau pour nous le transmettre. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, dans cette histoire, ont pris soin de ce cadeau, même si le texte ne le dit pas clairement. Toute cette histoire, en réalité, est marquée par beaucoup de bienveillance, beaucoup de sollicitude, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Mais avant toute chose, juste une question. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau que vous avez encore conservé? Vous savez, ce genre de cadeau qui, lorsque vous le regardez ou lorsque vous le sortez, vous remplit d'émotions ou vous raccroche à un souvenir heureux. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous parlerai bien de ma petite Ferrari rouge. Alors non, pas celle qui est garée, qui n'est pas garée sur le parking, mais ma petite Ferrari rouge, philo guidée, marche avant, marche arrière, tourne à droite, tourne à gauche. Bon, je vous rassure, je ne l'ai plus, mais je l'ai gardée assez longtemps. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi Marie et Joseph se sont retrouvés à Bethléem? À cause du recensement, oui, bien sûr, à cause du recensement de l'empereur Auguste, qui voulait savoir combien il y avait d'habitants dans son empire. Bon, je suppose aussi que sa petite idée derrière la tête, c'était pour collecter ensuite l'impôt. Alors, Joseph part dans sa ville, en Judée, à Bethléem. Il ne part pas à la hâte, il prend le temps du voyage, ils ont fait ça à pied, ou avec un âne peut-être, ou avec une charrette, peu importe. En tout cas, on voit déjà là combien Joseph n'a pas agi avec précipitation, mais il a pris soin de sa compagne. Discrètement, comme tous les autres, et Joseph a pris soin du cadeau qu'il y avait dans le sein de Marie. En ne se précipitant pas, en faisant les choses tranquillement, pas dans le rush, mais tranquillement. Alors, à un moment donné, souvenez-vous l'histoire, souvenez-vous de cette histoire. Ils sont arrivés à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Parce que, souvenez-vous, c'était la ville d'où était originaire Joseph. Et donc, il fallait qu'il obéisse à l'édit de l'empereur et qu'il aille se faire enregistrer dans cette ville. Quand ils sont arrivés, que nous dit le texte? Pas grand-chose. Pas grand-chose de concret, sinon qu'ils sont arrivés dans cette ville. Ça vient après. Ils sont arrivés dans cette ville et ils ont été reçus, d'après vous. Où est-ce qu'ils ont été reçus en arrivant dans cette ville? Est-ce qu'ils sont allés, ils avaient réservé un Airbnb? Ils n'existaient pas. Est-ce qu'ils sont allés dans une auberge? Est-ce qu'ils sont... D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, il faut se souvenir aussi que, vous voyez, Bethléem, ce n'est pas sur la route des caravaniers. C'est une ville isolée. Ils sont arrivés, ils ont vu au fond, ils ont vu le temple d'Hérode qui se bâtissait, mais ce n'était pas là qu'ils devaient naître. Ils ont fait un détour, ils sont arrivés donc à Bethléem et ils ont été... Bethléem en Judée, oui, et ils sont arrivés dans leur famille. Ils sont arrivés dans leur famille. Est-ce qu'on peut imaginer comment fonctionnait la société à l'époque? La société fonctionnait comment? Elle fonctionnait sur la base de l'hospitalité. Et il est impensable que le fils de la maison, que celui qui était le descendant du roi David, soit accueilli ailleurs, ne soit accueilli ailleurs que dans sa famille. Il est allé chez les siens, il est allé chez ceux qui le connaissaient, et ceux qui le connaissaient l'ont reçu dans sa maison. Et ça m'a fait penser, vous qui connaissez bien la Bible, ça m'a fait penser à cette histoire du patriarche Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, lorsqu'il était dans sa tente, il a vu au loin arriver des gens. C'était des anges, c'était des messagers de Dieu. Et vous savez, avec quelle nouvelle, je dirais même, avec quelle bonne nouvelle ces envoyés de Dieu sont arrivés, tu vas avoir un enfant. Ils sont arrivés avec la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant. Et parce qu'ils ont été hospitaliers, parce qu'ils ont reçu ces anges, ils ont reçu la parole de Dieu et ils ont reçu la bonne nouvelle de la naissance, d'une naissance qui allait changer le cours de leur vie. Et déjà, voyez-vous, là, ici, se met en place une chaîne d'attention et de soins. Joseph prend soin de sa compagne, il n'est pas dans le rush, il lui a offert la sécurité d'un foyer, d'une maison, d'un nom. Il amène dans sa famille, et là, dans sa famille, ils sont logés, ils sont pris en charge pour accueillir la bonne nouvelle de la naissance. Sans hospitalité, il n'y aurait pas eu cette écoute de la bonne nouvelle et de la parole de Dieu. Alors nous, on pense accueil. Vous savez, accueil, c'est café, petit accueil. Mais accueillir les personnes, c'est les recevoir comme un cadeau. C'est à travers l'accueil des personnes que l'on peut aussi entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle, et entendre aussi la voix de Dieu. Alors, ils arrivent et ils sont logés. Vous savez, ces maisons, à l'époque, elles étaient très austères, en fait. Il y avait une pièce principale où les gens dormaient, prenaient leur repas, se racontaient des histoires, se racontaient sans doute la grande histoire qu'ils attendaient tous. Et il y avait, pour ceux qui le pouvaient, une pièce qui était faite pour les voyageurs parce que les gens de l'époque étaient très hospitaliers. Alors, quelquefois, c'était une vraie pièce. D'autres fois, c'était juste un abri. Il y avait en dessous la cuisine où on pouvait chauffer de l'eau, où on pouvait faire à manger. Et c'est là qu'à côté de la cuisine, il y avait les animaux domestiques que l'on gardait lorsqu'ils n'étaient pas confiés aux bergers dans les champs. Alors, que nous dit le texte ? Ils ont vécu ici pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Jusqu'à ce que ce jour arrive. Et le texte nous dit que le jour de la naissance de Jésus arriva. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'a fait Marie ? Elle a mis au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota ou elle l'enveloppa d'un linge, le mit dans une mangeoire ou dans une crèche et elle fit cela pour aussi à son tour faire un geste d'amour et de compassion. Alors, c'est là que justement on se trompe un peu. On dit en fait, on pense que il y avait un méchant aubergiste qui n'a pas voulu que Jésus naisse dans l'auberge. Mais ce n'était pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, l'histoire. C'est qu'il y avait une pièce attenante. Il ne fallait pas, évidemment, que l'enfant naisse dans la salle commune, là où on mange, là où on dort, là où on prend ses repas, là où se trouve la vie. Il ne fallait pas non plus que l'enfant naisse dans cet endroit où il y avait tellement de monde, parce que les gens commençaient à venir, les gens commençaient à courir. C'était un endroit où on déchargeait les chameaux, les animaux de leur fardeau. Et c'était plein, il ne fallait pas que Marie ait son enfant là. Alors, avec un geste de soin et d'une extrême bienveillance, puisque ce n'était pas, alors je me référais aux Grecs, hein, pardon, ce n'était pas le topos, ce n'était pas un bon topo de faire ça. Ce n'était pas le topo que l'enfant naisse là où il ne devait pas naître. Il fallait le mettre à l'endroit où il serait le plus en sécurité possible parce que c'était le cadeau que Dieu faisait à l'humanité. Alors, on a fait descendre à Marie quelques marches, là où on cuisine, là où on fait à manger, là où on peut faire bouillir de l'eau, là où se trouve du sel et de l'huile avec lesquelles on avait l'habitude de frotter les nouveau-nés. Et là, Marie a accompli, a réalisé, lorsque l'enfant est né, on nous dit rien, absolument rien du détail de cette naissance. Les sages-femmes ont dû certainement courir pour aider la jeune fille à avoir son premier enfant. Ça a été certainement long, comme les premières fois. Mais la Bible ne nous dit rien. Elle reste sobre par rapport à ça. Elle dit simplement que elle a recouvert d'un linge l'enfant Jésus. Elle a recouvert d'un linge et elle l'a mis en sécurité dans une mangeoire. Alors d'après vous, et c'est une grande question, est-ce que c'était une mangeoire en bois ou une mangeoire en pierre? Plutôt en bois, le texte ne le dit pas. Pour ma part, je pense qu'elle était en pierre. Mais elle était peut-être en bois, peu importe. Mais voyez-vous, par le geste de... Lorsqu'elle a enveloppé cet enfant, elle a pris soin de cet enfant. Alors aujourd'hui, on le fait peu. Certaines mamans pratiquent encore ce geste de l'emmaillotage parce qu'on pense que l'enfant, il va être comme ça, tout raide, hein, et puis comme un saucisson, là, il va être... et puis il ne peut pas bouger. Non, ce n'est pas ça. Emmailloter un enfant, c'est prendre un linge pour que d'une certaine façon, cela lui rappelle la sécurité du ventre de sa maman. Comme ça, on va venir le réchauffer. C'est un geste d'une infinie tendresse. Et on va venir reproduire cette chaleur du ventre de la maman. Et on va venir sécuriser l'enfant pour qu'il ne pleure pas. Elle l'emmaillota. Elle prit un linge dont elle le serra, dont elle fit, je dirais presque, un paquet cadeau. Presque. Hein, ça fait penser à ça. Mais souvenons-nous que ce geste est à la fois tendre et mesuré. Pas trop serré. Pas trop serré pour que Jésus soit libre. Et Jésus sera toujours libre. Et pas à nous de le serrer. De le saucissonner, de le ficeler. Et suffisamment lâche et un chaleur de son corps puisse aussi se diffuser. Un geste d'une infinie tendresse. Un geste de soin que Marie envers Jésus. Et pour terminer, en tout cas, son geste, elle le dépose sur une mangeoire, dans une mangeoire. Pensez-vous que s'il y avait un risque pour Jésus, qu'il soit embêté par les grands animaux, hein, dont on représente souvent la présence, hein, un bœuf et un âne, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est un geste maternel, soin, que de Jésus dans une mangeoire avec un animal? Je ne pense pas. Elle a mis à l'endroit le plus sûr, dans cet endroit, une cuisine, et frotter les enfants lorsqu'ils naissent, là où on les lave, là où on les oint d'huile. Eh bien, elle a mis cet enfant dans une crèche, dans la crèche, plus exactement dans la mangeoire, à l'abri de tout. Parce que le texte ne le dit pas, en tout cas on ne l'a pas lu, puisqu'on n'a pas lu aujourd'hui. Mais vous le savez, que les bergers paissaient dans la nuit avec leurs troupeaux. Donc ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'animaux dans la crèche. Ou s'il y avait des animaux, c'était des animaux inoffensifs, de petite taille, certainement. En tout cas, Jésus a été préservé, Jésus a été gardé. Et je vous invite juste à regarder cette chaîne humaine qui a pris soin de ce cadeau merveilleux que Dieu a fait à l'humanité. Et nous aussi, on doit prendre soin de ce cadeau. Ce cadeau, il n'est pas pour nous. Ce cadeau, il est pour les autres. À nous d'en prendre soin de ce cadeau. À nous d'emmailloter Jésus. À nous de le prendre des langes pour le serrer. Pas pour le serrer trop fort parce que ce Christ ne nous appartient pas. Pas pour bloquer les gestes d'amour du Christ, mais simplement pour que ce Christ soit gardé comme un trésor. Et là, ensuite, à nous de le placer sous la crèche, de le placer dans la mangeoire. Je dis toujours crèche, mais c'est une mangeoire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce cadeau ne nous appartient pas. Ce cadeau n'est pas à nous. Et dans un geste de séparation, dans un geste de mise à disposition pour l'autre, Marie l'a déposé dans une mangeoire pour que tous ceux qui ont faim et soif de Dieu puissent se nourrir. C'est le geste qu'elle a fait. Et c'est le geste que nous aussi, nous devons faire à Noël. Alors, on aura des cadeaux somptueux ou des petits cadeaux. Mais peu importe. Je pense que la chose la plus importante et la plus simple que l'on peut dire lorsqu'on reçoit un cadeau, c'est merci. Alors, juste pour conclure, Paul, vous savez, il raconte pas l'histoire de Noël dans ses lettres. Mais il avait conscience de ce cadeau. Et il y a un verset qu'il dit dans 2 Corinthiens, il dit la chose suivante: remercions Dieu pour ce cadeau inexprimable. Voilà, on va simplement dire merci. Merci Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse en ces temps.